blanches rondeurs aux contours délicieux. Les païens sont un régal pour les yeux. Ils ont tous, malgré leur forme régulière, leur physionomie particulière. Les uns lèvent la tête sans se gêner. Y'en a qui vous regardent l'air étonné, d'autres pudiquement baissent le nez. Qu'ils soient monticules ou promontoires, des pommes, des oranges ou des poires. Les jolis petits païens, c'est toute la femme. Mais oui, madame, je le soutiens. Ah, quel plaisir quand nos yeux les devinent. Ah, quel plaisir quand nos doigts les lutinent. Ils font bientôt sous notre étreinte des bons et même des pointes quand on les a dans la main. Mais oui, madame, c'est toute la femme qu'on tient. Hommes mariés ou bien célibataires, nous courons tous après ces globe-trotters. C'est autour de ces map-mondes si petites que pourtant le monde antigravite. Des hespérites, c'est le double jardin. Les fétiches dont nous sommes les pantins, éternel néné, rince en sein. De l'amour, c'est la vivante cible, qui même cachée reste visible. Les jolis petits païens, c'est toute la femme. Mais oui, madame, je le soutiens. Ah, quel plaisir quand nos yeux les devinent. Ah, quel plaisir quand nos doigts les lutinent. Bientôt sous notre étreinte des bons et même des pointes quand on les a dans la main. Eh oui, madame, c'est toute la femme qu'on tient. Mais oui, madame, c'est toute la femme qu'on tient. Au fond, tout s'arrange ici-bas. Je m'arrange avec Aspasie, ma femme avec Ardimédon, et comme le bonheur n'est pas complet sans l'argent, je vais commencer à sculpter dans le marbre un nouveau groupe que je vendrai à ce vieux paillard de Périclès. Nous le poserons tous, et je l'intitulerai « La vertu, ma femme » et « L'amour, son amant » aidé par l'économie, ma maîtresse. La vertu, l'amour et l'économie fondent le vrai bonheur domestique.